Et bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans Campus Hi-Fi. Il est 21h un petit peu passé, mais on se retrouve comme d'habitude tous les 4e lundis du mois pour se prendre deux bonnes heures de dub, sound system et culture reggae. Dub, culture, sound system et reggae, exactement. Et de bons moments. Et comme vous pouvez vous en douter, on se retrouve encore une fois avec toute l'équipe. Vous venez d'entendre Cédric d'ailleurs. Bonjour à tous. Bonsoir à tous. Bonsoir à tous, même oui, Ludo. Et notre très cher Yanis qui en technique. Ce soir est en technique. Ouais. Et oui, c'est, je serai votre opérateur ce soir, donc du mauvais côté de David pour une fois. Mais c'est un plaisir d'être là avec vous. Et on n'est pas seul cette fois-ci. On reçoit Jawork Promotion avec nous. En tout cas, il y a une bonne partie du groupe, ça vous nous en direz plus. Bonsoir. Bonsoir. Bonsoir à tous. Bonsoir. Bonsoir. Ouais, on est avec Lionel, du coup, Mathis et Léo. Et on les retrouvera tout à l'heure en fin d'émission, en milieu d'émission plutôt, vers 21h45 pour une petite interview. Vous allez nous parler de l'histoire du Jawork Promotion, de vos projets, d'une petite soirée qui arrive bientôt à Victoire 2 si je dis pas de bêtises. Et puis après on se fera une petite session à retrouver en live stream comme d'habitude sur le Facebook de Radio Campus Montpellier. Du coup Romain, tu vas nous parler aujourd'hui, on fera le classique agenda. Exactement. Voilà, pour retrouver tous les événements à venir. Qui arrivent. Où est-ce qu'on va pouvoir skanker autour de Montpellier. On sent que l'été arrive, il y a de quoi faire. Il y a de quoi faire, ouais. Ah, moi je vous ai réservé un petit point sur les sorties dub qu'il y a pu avoir au mois d'avril. Et toi Ludo, tu as une chronique? C'est la collaboration entre Harrison Stafford et Brain Damage sur l'album Liberation Time. Excellent choix. Voilà. Et ça, ce sera juste après, mais avant, on va s'écouter une petite nouveauté. C'est signé Bisou, avec la voix de Suzanne Léo. C'est du pop dub, comme Bisou aime si bien le faire. Rappelez-vous, dans son album Omea, il nous avait offert une version dub du morceau J'ai demandé à la lune d'Indochine. Ah là, du coup, il nous sort un morceau dub de sa propre composition. Ça chante en français, le morceau s'appelle On sera beau. Je crois que ça s'y prête, que dans la fête. sous le terrain vague et beau. Il offre l'espace pour nos corps et de la place pour l'écho. Des rires, des pleurs, des peurs, des mots que l'on voudra. Toi mon ami, on s'est découvert à l'infini. Alors si tu veux, viens demain, on se retrouvera. On parlera de toi, de moi, de tout. Viens, je veux pouvoir prendre soin de nous. La solitude fait en ton bolide. La solitude et ta peur du vide. La solitude m'a rendu solide. Si j'ai perdu la tête, je crois que ça s'y prête. Je sais que dans la fête, on va faire n'importe quoi. Si t'as perdu la tête, tu vois que ça s'y prête. Je crois que dans la fête, ce sera beau, regarde-toi. Si j'ai perdu la tête, je crois que ça s'y prête. Je sais que dans la fête, on va faire n'importe quoi. Si t'as perdu la tête, je crois que ça s'y prête. Je sais que dans la fête, on sera beau. Voilà, c'était Bisous et Suzanne Léo pour le morceau On sera beau. Et maintenant, on laisse Ludo nous faire la suite avec sa chronique. Ouais, alors moi en effet, pour cette émission, je vais vous parler de la rencontre entre le Stéphanois Martin Nathan, aka Brain Damage, et le chanteur du groupe Groundation, au nom d'Harrison Stafford. Alors, ces deux énormes noms du dub et du reggae, ils ont sorti un album ensemble qui s'appelle Liberation Time, c'était en 2017. Alors, moi je voulais vous parler de cet album, parce que d'un côté on a Brain Damage, qui est l'un des pionniers du dub machine à la française, et de l'autre on a un musicien de génie qui est Harrison Stafford. En bref, c'est vraiment deux pointures dans ce mouvement, mais un album qui gagne à être connu, je pense. Alors, Brain Damage, lui, n'a cessé de se réinventer en menant le dub français avec lui. Il fut l'un des premiers avec la vague... Hyton à mettre le live dub sur les devants de la scène à la fin des années 90. Il se démarqua d'abord du dub UK et jamaïcain, qui était très présent à l'époque. Ses live machines ainsi que ses collaborations rajeunissent à chaque fois le dub. En bref, un des grands noms de la French Dub Touch. Harrison Stafford, quant à lui, fait partie du groupe californien Groundation depuis 99. Ce groupe qui prône la paix a enchaîné les albums, les reprises et les collaborations avec Pablo Moses ou Don Carlos pour ne citer qu'eux, et c'est un groupe qui n'a vraiment plus rien à prouver. Il s'agit vraiment de musiciens talentueux et de mélomanes hors pair. J'ai choisi de vous faire écouter le sixième morceau de leur album sorti chez Jarring Effect, qui en comporte 10, et le morceau choisi s'appelle Stand By Me. Of life comes to break a man's mind into splinters. I will not be moved to be pushed aside like a man's weak is big bop and no bite. In the heat of this, I'm a giddy. You have to choose from what's wrong and right. I come to win or to lose, to stand up to, not to fall. I come to conquer our love and hate, to free man's mind and liberate. So why? I never give up on the people I love or the thought that you strive to be. Of life comes to break up man's mind into splinters. I will not be moved to be pushed aside like all man's broken speak pop and no bite. In the heat of this I'm a Gideon. You have to choose from what's wrong and right. Stand by me Lately it seems all the pressures of life come to break up man's mind into spleen rest. I will not be moved, the big pushers felt like all man's work is being pumped and no buy. In the heat of this Armageddon, you have to choose from what's wrong and right. I come to win, not to lose. Et c'était Stand By Me avec Harrison Stafford au chant et Brain Damage à la prod sur l'album Liberation Time, sorti, je rappelle, en 2017 chez Jarring Effects. Alors voilà, je vous conseille vraiment d'aller écouter le reste de l'album. Pour ceux qui ne l'ont pas fait. Pour ceux qui ne l'ont pas fait, ou même de leur discographie en général, hein, comme on disait hors antenne, c'est vraiment chouette ce qu'ils font. Yes, c'était Aeration Steppas avec le morceau International Footstep sur Radio Campus Montpellier. Vous écoutez toujours Campus Hi-Fi. Bon, on va faire un petit tour d'horizon des sorties du mois d'avril maintenant. Alors on a des choses à se mettre dans les tympans pour ce mois-ci. On va commencer par l'album du live band The Black Mantis Project qui s'appelle Agora et qui est sorti le 8 avril dernier et qu'on retrouve chez ODG Prod. The Black Mantis Project, c'est un trio de live du nord de la France qui met beaucoup en avant les sonorités orientales et qui mêle à la fois le son de la mandoline, du sitar ou de la pipa chinoise sur cet album qui s'appelle Agora. Et à travers les 4 titres qu'il nous propose, le groupe nous immerge au cœur de ces sonorités orientales dans un voyage plutôt singulier et contemplatif. C'était Agora de Black Mantis Project et qu'on retrouve sur le site d'ODG Prod. On va continuer avec la sortie surprise du mois. Surprise dans le sens où on va dire que c'est la curiosité du mois. Vous connaissez Thomas Blanchot ? Alors Thomas Blanchot est plus connu sous le nom de Mato, Thomas Enverlan. Eh bien il nous sort un nouveau projet audacieux appelé Classical Dub qu'on retrouve encore une fois sur le site d'ODG Prod. Alors Mato était déjà connu pour ses mashups qu'on peut qualifier d'audacieux puisqu'il a déjà travaillé sur des albums mélange entre la variété française et le reggae en produisant un reggae aux sonorités très jamaïcaines années 70, l'âge d'or du reggae. Ça s'appelle Il est Kingster, Kingston s'éveille, sorti en 2006 et 2008. Il s'est aussi fait connaître et surtout fait connaître pour les mélanges reggae hip-hop qu'il a réalisé avec Taggy Matcher, puis par sa reprise du chef-d'œuvre des Daft Punk, l'album Homework en version dub, ça s'appelle Homework Dub, et son album Hollywood Dub où il reprend des classiques du cinéma pour les interpréter à sa sauce en version dub évidemment. Donc l'artiste c'est Mato, j'espère que ce morceau a attisé votre curiosité et je vous propose un autre morceau de son nouveau projet du coup Classical Dub qu'on retrouve chez ODG Prod. Peace. plutôt intéressant. Hein. Effectivement. Oui. Et surtout inattendu. Bien fait le truc. Allez, dans notre registre, on a aussi eu ça comme sortie récente. Alors ça, c'est extrait de la compilation Exofam volume 1 qu'on trouve encore une fois de Vinéo. Ce serait pas ODG Prod. On trouve beaucoup de choses chez ODG Prod. Alors cette compilation, elle rassemble des productions des artistes qui ont participé à l'énorme tournée d'Exofam qui est passée à Montpellier il y a une semaine ou deux, je sais plus, à Victoire 2. Peut-être le week-end dernier, en effet, ouais. Samedi, ouais. Qui organise des soirées dub to trance ou dub to drum and bass. Ou, Et donc, sur cette compile, on y retrouve des beaux noms. Black Benny Dub, qu'on entend en fond. On retrouve encore Brainless, Ashkabad, Miniman, Aspar, Ishiban, Mahom, Saji, le Black Mantis Project dont on parlait tout à l'heure, Footprint System, Dub Pharaon, Dr. C, Woody Vibes, et aussi l'intrus, puisque ce n'est plus trop de l'électro-dub ni du stepper, mais c'est la petite fumée avec un petit morceau de trance dans l'histoire. Alors vous vous doutez bien qu'avec tous ces noms, ça skank sévère, on retrouve forcément de la trance, de la bonne drum and bass, mais pas mal de gros steppers majoritairement. Tenez par exemple le morceau de Woody Vibes. Et si ça vous a pas calmé, je vous propose maintenant un extrait de Dr. C. Il y a eu une réaction voilà. Autour de cette table-là quand le morceau est parti. Toujours aussi surprenant, ouais. Docteur C. Et bon, on va se calmer un peu du coup. Et maintenant, je vais vous emmener skanker sur la planète marée basse avec la sortie de l'album Talkie Bound in Dub. Monkey had a mutant retard baby and screwed another monkey, and that made you. So there you go. You're the retarded offspring of five monkeys having butt sex with a fish. Congratulations. Congratulations. Toki Bounce, un artiste franco-suisse plutôt connu pour ses productions trance ou encore chill down tempo, et vient aujourd'hui de sortir un album de 7 titres très dub stepper, taillé pour les sound systems en tout cas. Écoutez plutôt par vous-même. Allez, pour terminer avec les sorties du mois, je vous emmène en Italie, cette fois chez Dub Invasion Records, qui sort beaucoup de dubplates que j'affectionne particulièrement. Et là, ils ont sorti une sorte de mini-album appelé Dubbox, qui regroupe 3 dubplates de 3 versions. Écoutez plutôt par vous-même la dubplate Positive Vibration. We'll be right back. Yes, la dubplate c'était Positive Vibrations, Dumble Brother qu'on retrouve sur Dub Invasion Records. Tout ça, ça vient d'Italie et c'est très très bon. Et on va se passer une petite musique dans un autre registre. On va partir un peu sur du roots à l'ancienne avec un morceau de Clinton Senior. Clinton Senior avec le morceau Son of Man. Et on passe à l'agenda. Et pour commencer, le 27 avril au Méloman, on pourra voir King Alpha et Fikir Amlak sur la sono de Walking Mess Sound System à l'occasion du Free Dub Révolution numéro 7. Ce sera de 23h à 5h pour 13€ en pré-vente et 15€ sur place. Peu de temps après, à savoir le 3 mai, à Fréjorg, je vous en avais parlé l'autre fois, mais bah, du coup c'est toujours le cas, hein. Il y a une soirée Dub Invasion sur le sound system de Reggaescape pour 5€, et la soirée durera de 21h à 4h du mat, et autant dire que ça vaut le coup quand même. Hein. Le 4 mai, pour le MOBA Dub, à Bagnols-sur-Cèze, on pourra retrouver le grand Martin Campbell sur la sono d'Afterroll. En plus, il y aura Jus de Imperial Mighty Sound comme invité, tout ça pour 10€, donc... Je vous invite à y aller sans hésiter. C'est pas cher le reggae, c'est pas cher. Ouais, c'est bien en plus. Pour le 7 mai, à Victoire 2, on retrouvera la troisième session de la basse pressure, organisée par les invités de Jawor qui sont ici présents. Mais du coup, on en parlera mieux tout à l'heure. Ouais. Il y en a des choses à dire, je pense. Oh oui. Le 11 mai, donc peu de temps après, au Méloman, les Twinkle Brothers rendront hommage au grand Bob Marley pour une soirée qui durera de 21h à 4h du mat pour la somme de 22€. Le 18 mai, c'est le fameux groupe de dub français Hightone qui passera à Victoire 2 pour une soirée du coup de 20h à 23h30 à peu près. 20€ en plein tarif, sinon 17€ en tarif réduit ou 7€ pour les détenteurs du Pass Youth. On a assez parlé d'Hightone depuis le début de Campus Sci-Fi. Vous devez connaître, il faut y être, il faut les voir au moins c'est une fois. Exactement ça. Le 24 mai, on retrouvera Brain Damage et Bisous à Bagnols-sur-Cèze, encore une fois, toujours à la salle de la MOBA. Et du coup, côté tarif, ce sera 12€ en pré-vente et 15€ sur place. Début du concert à 21h. Encore une fois, c'est pas cher. profitez-en. Le 31 mai, encore, encore à la MOBA, on retrouve Raccoon pour 8€ en pré-vente et 10 sur place. Avant d'enchaîner le 8 juin, donc presque une semaine après, pour le Southern Resistance Festival. Alors ça, c'est tout nouveau, ça sort. C'est de cette année. C'est au Mas des Lozières. On retrouvera 600 systèmes tout droit venus du sud de la France. Pour le moment, il y a Imperial Mighty Sound, Joko Sound System, Equal Brother and Rough Stereo Sound System qui sont annoncés. Et en tout cas, on peut vous dire que sur les 6 murs, ils seront regroupés en 3 corners pour 16 heures de son, de 14 à 6 heures du matin, 12€ en pré-vente et 15 sur place, pour une bonne, un bon week-end. Un bon gros week-end de dub, ouais. Exactement. Il y avait le Reggae Mass Fest, je crois, il y a 2 ans là-bas. Ok, ouais. Voilà, c'est déjà arrivé des grosses soirées reggae là-bas, à plusieurs sonos, ouais. Ouais. Et bien en tout cas, en parlant de grosses soirées reggae et dub, il y en a plein qui s'annoncent pour cet été avec les festivals qui commencent à lâcher leur programmation. Là, pour en citer quelques-uns, le 28 et 29 juin, vous aurez le Dubstation Festival à Vitrolles. Du 11 au 14, celui qu'on ne présente plus, mais le Dubcamp Festival en Loire-Atlantique. Un petit peu loin, mais ça vaut le coup aussi. Juillet, hein. Ouais, juillet, pardon. Oui. Ouais. toujours en juillet, du 18 au 20 à Bagnols-sur-Cèze, la 9e édition du Zion Garden, avant d'enchaîner la semaine d'après du 25 au 27 avec le Bagnols Reggae Festival. Et le 2, 3 et 4 août, le mythique Reggae Sunska en Nouvelle-Aquitaine. Et du 9 au 11, le No Logo dans le Jura. J'ai pas fait une liste. Moi j'ai une petite exclu, il y a le 16 et le 17. Il y a le One Love Festival Celebration. C'est Isaiah Chaka qui organise ça de Montpellier. D'accord, super. Donc voilà, il y aura une journée concert et une journée sound system. Génial. Super, et ça se passe aux arènes de Frontignan. Ok. Oh, génial. Ah bah, lieu qu'on connaît déjà pas mal, ouais. Exactement. J'ai été investi par les sonos. Merci Romain. Et voilà, ouais, c'est tout ce qu'il y a à dire pour le moment. Oh. Mais après, je vous invite à aller regarder, que ce soit pour les festoches ou les autres. On fera un point plus détaillé sur les festivals de l'été lors de notre émission du mois de mai et surtout celle du mois de juin. En attendant, on va se faire une petite pause musicale avant de retrouver nos invités Jawark Promotion. On va s'écouter un morceau de Mr. Williams, tiens, pour teaser un petit peu la soirée de la Bass Pressure. Mr. Williams avec Mungo's Hi-Fi. Circle all massive and cold as wise, you see. Yeah. What China? What me say? Buda ba ba bye, buda ba ba bye bye bye, buda ba ba ba ba bye bye bye. Come follow me. Buda ba ba bye, buda ba ba bye bye. And the way me love the music, you may not tell no lie. And the way me love the music, it a jive me mental. And the heavy bass line, touch I know that's essential. With tunes like these, whole heap of potential. We take you to a different dimension, yo. And the way me love the music, it a jive me crazy. Me need me injection of music daily. For definite, for certain, no if nor maybe. So listen when me tell you this clearly, yo. We musically mad like say we insane. And the heavy bass line that a flow through we brain. We musically mad like say we insane. It's burnt sound and power that we come to proclaim. We stepping at the place, not in and a whole heap of smiling. Cause skin with a grin, with a laughing man, not deal with rhythm. Watch out, general I want them show them how we deal with the thing. And the lyrics where we have them full enough rhyming. And the style where we have them full enough timing. And watch it man, and flash it just like a lightning. And the people in the place, you know them keep skanking. And the champion sound, we have thing down with him. When him musically mad like say we insane. And the heavy bass line that I run through we vein. We musically mad like say we insane. It's worth sound and power that we come fi proclaim. And the way me love the music, it a drive me mental. And the heavy bass line, church I know that's essential. Big tune like this with whole heap of credential. Fi take you to a different day. Show what me say. The way me love the music, it a drive me crazy. Me need me injection of music daily. For definite, for certain, no if nor maybe. So listen when me tell you this clearly. Yo, we musically mad like say we insane. And the heavy bass line that a flow through we vein. We musically mad like say we insane. It's worth sound and power that we come to proclaim. You hear it from the main and you hear it from the lane. You're listening it from your iPhone, from the train. Me fly a Scotland, you know me reach the on a plane. And pot and contain. That's why when the music hits you feel no pain. Yo. Yes. And every bass line that I flow through with pain. Asking when I grin, when I laugh, where you the boss DJ? At the 28th of May, that on my birthday. At the champion sound alone, we want to play. And lyrics, where we have them coming like a AK. We pop it and we beat it, we not stop from spray. We clap it and we knock it, that is with no delay. And the massive just a shout out to people here. And the real general straight out of the UK. And the way me love the music, it a drive me mental. The heavy bass line, judge, I know that essential. Tunes like these with whole heap of potential. We take you to a different dimension. Et c'était Musically Mad de Mungo Zi-Fi avec la voix de Mr. Williams. Ring the alarm, and not a sound is dying. Oh, hey. Et ça tombe bien qu'on parle de Mr. Williams parce que on a parlé tout à l'heure d'une petite soirée qui se passe le mardi 7 mai, veille de jour férié à Victoire 2. Et à cette soirée, on retrouvera le Jawork Promotion Sound System. Et il se trouve qu'on a une partie de l'équipe avec nous. Bah, tout à fait. Rebonjour déjà. Rebonjour. Salut. Merci d'avoir accepté notre invitation. C'est un plaisir de vous recevoir dans l'émission. Pareillement. Bah du coup, faites comme chez vous. On se voit, ça va, c'est bien adapté. Bon bah c'est cool alors. Ouais, du coup le Jawork Promotion Sound System, Lionel, est-ce que tu peux... Alors déjà j'ai une exclue. Lionel, c'est pas mon prénom. Voilà, une spéciale, personne le sait, donc exclu Radio Campus, sur Campus Hi-Fi, on dévoile le secret. Alors, est-ce que tu vas nous dire carrément ton vrai prénom? Je vais carrément le balancer à l'antenne, tu m'appelles Fabien en fait, donc rien à voir. Ok, Rootsy, Frosty, t'inquiète, je suis habitué. Frosty Lion aussi. Voilà, on me l'a fait. C'est beau, j'ai déjà entendu tout. Donc ce Jawork Promotion Sound System, yes. Il existe depuis, il tourne depuis un petit moment sur Montpel. Sur Montpel, ouais, depuis 2006. Mais il existe d'avant. Ouais. Il existe d'avant, il a creusé avant. Il a été fait, on a fait ça, j'ai fait ça avec un frère à l'époque qui s'appelait Dan. Et c'était en 1996. Ah oui, j'étais pas né. Voilà. Alors, je voudrais vous dire. Et du coup, ça commence à faire un petit moment. Ouais. J'ai été dans d'autres sons d'avant. Ok. J'ai commencé dans un son qui s'appelait Caliwasson. Voilà, où j'ai vraiment fait mes classes là-dedans, où j'ai appris un peu tout. Après, j'ai monté un autre son qui s'appelait Natural Mystic. Et après, j'ai monté Jawworks. Voilà. Et d'avoir ce qui est arrivé à Montpellier, sur Montpellier depuis 2006. Ouais, voilà. Et du coup, tu t'es bien entouré, puisque tout là, à tu fait. N'es pas seul actuellement. La famille est grande. En tant que Jawork, autour de cette table. Il y a des jeunes, des vieux, des femmes. Ah, le sound system, ouais. Ça rassemble tout c'est le monde. C'est, de toute façon, c'est l'esprit pour moi du sound system, c'est le côté familial. Voilà. Ouais, le partage. Le partage, et puis voilà, le point de vue de chaque génération, c'est important pour avancer, évoluer. Donc voilà, c'est un peu la philosophie du... C'est une belle philosophie, ouais. Léo, je me tourne vers toi. C'est pas la première fois que tu viens dans l'émission, t'étais venu avec, avec ton sound system URSS. Voilà, c'est ça, ton radical sound system, c'est-à-dire que plusieurs facettes de ma passion pour le reggae, voilà, ouais. Avec des copains, on fait un peu de sono, mais on n'est pas tous sur Montpellier, donc on a un peu plus de mal à faire des choses régulièrement, et comme je suis musicien à côté, c'est vrai que ça fait quelques temps que du coup, je tourne avec Rootsy, avec le Jawork Promotion, et où j'improvise au Melodica et au trombone sur les phases B des morceaux en sound system, voilà. C'est ça, ouais. Et qui travaille aussi sur quelques prods qui devraient sortir des prods sous peu, en cours de production. Bah, tenez-nous au courant, nous on se fera un plaisir de les diffuser, si c'est pas des exclus sound system. Pas du tout, pas du tout, c'est pas de l'exclu, même si on en a, et on les garde. Mais après, bah là, on a Mathis aussi. Salut. T'étais déjà venu aussi, mais Campus Hi-Fi, ça existait pas encore. T'étais ouais. venu passer quelques disques c'est ça. À la radio, et donc toi aussi, tu fais partie du sound system. Exactement. En tant que Selecta. Ouais. Opérateur, boxman, un peu de tout, quoi. Ouais, voilà, yes. On est tous un peu multitâches quand même. Voilà. C'est le son système. Il porte plus de caissons que moi pour l'instant. Ouais, ouais, ouais, ouais. Ah, il est gabarit un peu plus costaud que toi. Quoi. C'est la, la il y en a qui ont les lunettes et puis il y en a qui ont les bras. Quoi. C'est comme ça. Bah, il y a aussi deux autres membres qui ne sont pas là aujourd'hui, qui est Iwek, qui est surtout le beatmaker du crew, et Rosa Chanti, qui est la chanteuse. Et qui a rejoint le crew il n'y a pas si longtemps que ça, d'après ce que j'ai pu oui. voir sur les réseaux oui, sociaux, oui. officiellement, oui, on va dire. Tout à fait. Ou, tout à fait. Et Rosa Chanti. Voilà, après, chacun aussi a, ses, a son monde externe et ses projets externes. Et c'est aussi, c'est, on en a déjà discuté plein de fois, c'est le but aussi dans son système, c'est de pouvoir donner aussi la chance de, à chacun de pouvoir aussi aller dans la direction qu'il a envie d'aller. Quoi. Et pas rester enfermé dans un seul crew. Parce que voilà, c'est ça, ça apporte de la diversité dans ouais, tous les voilà. cas. Et, ouais. Faut et... pas s'enfermer dans les choses et il faut savoir aller de l'avant et puis surtout pas rester confiné dans... avec des œillères. Donc, c'est important. Alors, on va parler aussi bah, de cette petite soirée à Victoire 2 qu'on tease depuis tout à l'heure. Oui. Ouais, faut pas dire petite du coup. Ouais. Non, en effet, c'est en effet. Énorme soirée. C'est ça. La soirée de l'année d'ailleurs, je voudrais dire. Avec un line-up magnifique. Yes. Bah, du coup, si tu peux nous en parler un peu de cette soirée. Et bah voilà, c'est la troisième. Donc, on a invité les Welders, qui sont des gens qu'on apprécie et qui font partie de la famille aussi. Qui sont des gens qui. Des vrais activistes. Donc voilà, nous on est très dans le relationnel, donc on prime aussi ça. Donc voilà, avec Samar et Nuka, qui est souvent à leur côté. D'ailleurs ils ont fait pas mal de prod aussi ensemble. Et donc il y aura nous, le full crew. On sera tous là ce coup-ci. C'est pas toujours facile. Personne le loupera celui-là. Et après voilà, on a invité Earl 16 et Mr. William. Ça fait deux, voilà. deux belles voix, voilà. avec celle de Rosa Chanti voilà. aussi, bien ça évidemment. Ça fait deux belles voix féminines et deux belles voix masculines. Et un petit plus peu d'instrument. Un mélodica, une trombone. Pour voilà. donner vie un peu à la soirée, ouais. Et du coup, ça se passe oui, à Victoire 2 à Saint-Jean-de-Védas, donc le mardi 7 mai, dans voilà. très bientôt. Ouais. Veille de jour férié, hein. Ne vous inquiétez pas, vous pourrez dormir. C'est très bonne idée d'ailleurs, je trouve ça sympa l'idée de la soirée du mardi soir. Ça change, voilà. Ouais, ouais. Pour ça les infos plaît. Pratiques, c'est de 22h à 4h du matin, il me semble. Exactement. Ouais, c'est ça. En plus, Victoire 2, ils sont très cool, ils permettent de sortir oui, ou voilà. rentrer. Voilà. Ouais, c'est agréable. Voilà. Le cadre au niveau du son. Tu peux aller fumer son, dehors, quoi, tu peux aller manger dehors. Tu... Voilà, tu peux t'aérer au show, les oreilles danser. Dehors. Et le son à l'intérieur est, voilà. est super cool. Ouais. Enfin, ça rend c'est bien clair, voilà, c'est super. Et voilà. niveau sonorisation à cette soirée, donc vous sortez vos caissons. On sortira 6 basses et les Welders aussi. Aussi. Voilà, il y aura deux sonos. Voilà. Bah, ça aussi, ça participe aussi à... Voilà. Et après, nous, notre concept, c'est que les artistes puissent chanter avec les sondes autant l'un que l'autre. Favoriser donc les voilà, chants. On n'est pas dans le... Dans le truc de... Dans l'opposition voilà. à la jamaïcaine, les dub clash. Ouais, ouais. On aime bien, voilà, on a chacun notre identité et justement ça permet aussi, je pense, aux artistes de s'exprimer sous différentes facettes. Donc je pense que c'est important. C'est une bonne chose, ouais. Et puis, donc, même pour le public, c'est plaisant dans tous Exactement, les cas quand on a voilà. deux sonos et du coup ouais, puis ça, un peu deux univers différents ça qui se croisent. Ça communique beaucoup plus en plus. C'est clair. Voilà, et puis il peut y avoir des combinaisons, il peut ça y avoir fait des choses qui se font pas aussi, du coup. Ouais, voilà, c'est clair. C'est l'intérêt. C'est la dernière de avec. Oui, voilà. Après, voilà, des fois, on a. D'ailleurs, on a refusé certains artistes qui voulaient pas jouer le jeu. Voilà, donc nous, on est là-dedans. On est vraiment dans le partage, autant dans les sondes que dans les artistes, que voilà, dans la vie. Ouais, puis ça rend bien la dernière fois, Danman, Kenny Knott, ah ouais, c'était les bon, deux ouais. ils se sont mis à chanter, avec l'autre ouais. qui faisait les harmonies ouais, de l'un, ouais, enfin, c'était nimp, c'était magique. Quoi. Non, ouais. Je pense que ouais, c'est une belle chose, et puis j'ai jamais vu ça encore trop. Donc voilà, je pense que c'est assez innovant, c'est bien de faire des trucs que les gens font pas. Ouais. Bah vivement le 7 mai, ouais. Oui. Alors, tu parlais aussi tout à l'heure de production. Oui. Donc ça sort aussi des dubplates ou des morceaux chez Jaworks. Ouais, ouais, bon, on a pas mal. On a deux formules, nous. On a le côté sound system, on a le côté un peu live mix. Parce que iWeck, lui justement, toutes ses prods, on les joue aussi en multipiste, en okay. live, à la main de professeur un peu. Donc ce qui permet vraiment de changer, de suivant les vibes, quoi, de donner quelque chose de différent à chaque fois et puis d'authentique, quoi. Voilà. Ces productions, on peut les retrouver quelque part ou pas? Alors, on a monté un site qui est assez récent, où on commence à faire ça. Alors, on est sur plein de projets en ce moment qui vont sortir sous peu. Donc voilà, restez connectés. Il y a le site qui est www.jaworkspromotion.com, tout simplement. Même pas besoin de le noter. On a fait simple, hein, parce qu'on sait que les gens sont représentatifs. Donc voilà, il y a le site, voilà, on va faire un bandcamp, je pense, sous peu aussi. Intéressant. Et voilà, on essaye d'être productif, mais bon, c'est beaucoup de boulot, c'est beaucoup de moyens, voilà. Donc entre les soirées, la vie de chacun, l'investissement, et bon, on fait comme on peut. D'ailleurs, on a fait pas mal de coproductions avec les artistes qu'on remercie parce qu'on n'avait pas trop d'argent à sortir et ils ont joué le jeu. Donc entre autres Danman, Rash Sharbi, Léo, voilà, Rosa, enfin pas mal d'artistes qui justement jouent le jeu de la coprod, parce qu'aujourd'hui sortir un cachet et derrière faut vendre, enfin c'est compliqué. Bien sûr, quoi. Donc voilà, on remercie ces gens de cette participation humaine. Et tout le monde sera récompensé. Par des bonnes grosses sessions. Le public, sessions. Le premier. Voilà. Et une autre question. Est-ce qu'on vous retrouve cette année à la fête de la musique dans les rues de Montpellier ou pas? Eh bah, ben, pas trop, non. Pas non, trop. Pour l'instant, je pense. C'est vrai pas que sûr. J'ai le souvenir du sound system. J'ai plus le nom de la rue, mais qui rue prenait... des gagne petit. Voilà. Qui rapporte gros. Ouais, ouais. C'était tropical. Ouais, ouais. C'était assez fou. Assez big, ouais. Dans les, plusieurs fois, vous l'avez fait même ouais, dans ouais. cet endroit-là. Ouais. Bah après, ouais. Problème, c'est que c'est un peu petit et que on a aussi pas mal de trucs en cours et que voilà, on cherche pas trop. Après, si on nous appelle, on vient. Y a pas de problème. Mais je dois t'avouer que j'ai pas trop cherché. Je suis sur d'autres trucs et c'est vrai que la fête de la musique, c'est de l'investissement, faut sortir bien la sono, tout le monde ne paye pas, voilà. Donc c'est aussi un métier pour certains, entre autres moi je fais que de la musique et à la fête de la musique il y a peu de gens qui payent et voilà. Moi, je... Ouais, ça reste urbain ça, jusqu'à ouais, voilà. Donc on laisse la place aux autres. Voilà, ouais. Et on aura d'autres sûrement retrouvés dans les rues de Montpellier. Général, ouais, c'est parce qu'il y a un paquet. L'année dernière, on était à 10 sound system. Ouais, crois, voilà. En fait, ouais, c'est un peu tout ça qui je trouve que c'est... Je préférerais une fête de la musique où tout le monde joue ensemble. C'est vrai. Enfin, ça me ferait carrément kiffer. Il y a un concept à lancer là. Voilà. Ouais, c'est clair. C'est un appel. Et ça, appel à monsieur Sorel pour qu'elle dure jusqu'à 4 heures aussi la fête de la musique. Exactement. Donnez-nous une grande place, sympa. On met tout le nos sonos. Le Pérou, On te fait une fête de la musique comme jamais il y a eu. Ah ouais, tout le monde va se battre pour venir à ce moment-là. Mais c'est bien, ça laisse le temps de faire d'autres projets. Oui, oui, soirée, non, mais voilà. Franchement, c'est. Et sinon, du coup, est-ce que tu as d'autres dates oui, là, à annoncer? Jeudi, on joue à Dijon. On joue... dans les bars de Montpellier, un peu partout, à la pleine lune, la taverne du perroquet quand elle va réouvrir. On a le 22 juin dans le Gard, à Montignargues. Ça sera avec Revolutionary Skanking Tool Sound System. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? On doit jouer à l'île de Léron le 20 juillet. Juillet. On doit jouer à Cahors, j'ai plus la date en tête. Quand, Bah, je sais plus si c'est le 13 ou le 27 en fait. Bon, et le 18 voilà, à Moutier. Le 18 mai, ouais, on joue à Moutier avec Mr. William et Léo et Mathis. Voilà, enfin, il y a. On fait notre petit train-train tour de France. Il y a de quoi s'occuper. Voilà. Il y a les arènes de Frontignan le 17 là. Donc il y aura un beau line-up, je pense que même je peux l'annoncer, c'est une exclusivité encore. Exclusivité quoi. Donc il y aura Katie Roots, il y aura Don Fay et Ramon Judah. Voilà. Eh ben, on va reparler voilà. de cette soirée aussi, ouais. je pense. Super, bah du coup ouais. on va... Je sais pas si vous avez 2-3 choses à rajouter ou... Restez connectés sur ouais voilà restez connectés suivez-nous supportez-nous venez aux soirées quelles qu'ils soient le 7 mai on rappelle voilà ouais, ouais, et puis les autres aussi parce que voilà si on joue pas le jeu quand même de plus en plus c'est compliqué pour le reggae quoi. Il y a de moins en moins de gens, je trouve, dans les danses. Moi j'ai commencé dans les années 90 c'était full de chez full. Je trouve que ça se perd un peu. Après, j'ai un petit message aussi pour ceux qui se mettent la tête dans les caissons. Je vous conseille de faire attention à vos oreilles. Oui. Protéger vos oreilles. Parce que bon. Et autre petit conseil, ouais, il y a ce qui existe des bouchons moulés qui changent absolument pas le son, mais qui préservent les oreilles. Et ça vaut exactement. Vraiment le coup. On s'en est fait dernièrement, notamment avec Cédric et Ludo qui est autour de cette table. Et le seul truc qu'on regrette avec ça, c'est de pas l'avoir fait plus tôt. Mmh. Du coup, bah ouais. je peux que recommander de le faire parce que. Bah ouais, moi c'est pour ça que j'ai toujours eu ce message. Ouais. C'est important. À l'âge de 15 ans, j'étais déjà dans les sonos et on a toujours dit ça. Quoi. Donc j'ai toujours fait attention à mes oreilles parce que c'est en tant que musicien. C'est important. C'est encore c'est ça. Ouais. Mais voilà, pour la vie, c'est important. Quoi. Mm. Vois, si tu veux pas te retrouver à 40 balais, ouais. sauf quoi. Faut y penser avant. Ouais. Ouais. Voilà, c'est un conseil parce que bon, après, on peut faire la fête. Il y a un moment donné, on a un peu. En état secondaire, on n'a pas l'impression on pense que. Plus aux voilà. oreilles, ouais. Mais vraiment, ouais, c'est un truc qu'il va falloir qu'on mette vraiment en avant. Il y a de la prévention à faire dessus. Il n'y a pas beaucoup de prévention. Et voilà, tu peux écouter le son de loin et ressentir avec ce qu'on donne comme kilo. Je pense que, tu vois, il n'y a pas besoin de se mettre la tête dedans. Quoi. Comme disait Jamaïcain, le son il s'écoute pas, le reggae il s'écoute pas, il se ressent. Voilà. Exactement. Et puis c'est bien aussi de regarder les gens qui jouent quoi. Ça, bien sûr. La communication de l'artiste elle se fait comme ça quoi, ouais. dans le regard, dans les sourires, dans ouais, l'expression de l'un à l'autre. Quoi. Je suis assez d'accord. Tu quand t'as des gens qui te supportent voilà. devant. Si vous voulez que les gens ils mettent le feu en soirée, regardez-les, ils sourient. Le partage. Hein, voilà. Encore une fois, c'est ça. Le message est passé pour les massifs. Ça passe dans les deux sens en fait. Quoi. Donc double message, faut venir aux soirées, faut qu'il y ait du monde pour qu'il y ait d'énergie, voilà, qu'il y ait de la bonne vibe. Il faut se tourner du bon côté. Faut pas mettre la tête dans le caisson pour préserver ses oreilles et supporte les artistes. Tout bénef. Mais encore merci d'être venu en tout cas. Donc je rappelle le 7 mai à Victoire 2 à la Basse Pressure. Numéro 3 et nous on va se retrouver dans quelques instants, le temps de se mettre en place, en live stream aussi sur Facebook pour une petite session de Jaworks Promotion. Merci d'être venu. On va se mettre un petit plaisir. Morceau de Earl 16 pour teaser encore une fois en attendant. Ouais. And it's time to play it cool and give yourself a chance. Playing all over town, rolling soft and stepping hard, yeah. Sometimes we do it at home and then we nice it up a bride. Oh, oh, oh. All the massive, them a run, them a come, come, come. Forward to the roots, my love. Jumping around in the session, yeah. They must gather round, make we All the massive them around, them a come. Forward to the roots, man, long. God, our people gather round, time to have some fun. We're doing it from dusk till dawn. Love for I and I. True child. mercy we must get by. And who that I need in my life? Shall love it, we stop in the first and fight. They try to conquer it. Babylon, them try to control it. Can't let them put us down. Let your mercy keep us moving on. Trying to control it. Return right back to her homeland. Africa awaits her creator, a betterment for our future. Though we struggle on this raggy road, we carry in Jah heavy load. It's not like in a dream world. Jah forward his people on the scene. They try to conquer it. Babylon try to control it. They try to put us down, but let your mercy keep us around, yeah. Babylon, they want to control it. Yes, they want to conquer it. And they try to keep us down, but your mercy will take us around. We standing firm, yeah, your people standing firm. A long time we on ya. We a burn up your fire. Fire, fire. A long time we there ya. She the order of Jah. Them want to control it. Babylon, them want to conquer it. Can't let them put us down. Jah keep his people. Listen to the chant. never be a joker smoker. Cause you compare the size of my spliff to your size of spliff. Your size of spliff is much more mediocre. You see what I say? Joker smoker. I know you could never be a joker smoker. You hear me, I say? You're mad. Yo, marijuana we smoke, I'm gonna smoke coca. See ya? Them shoulda know, say, a pure ganja we smoke. High grade we blaze from we nickel and a coke. Rastafari, I know, say, is not a joke. I will tell it to the judge in the court and make him know. Say, free right is in a him report. Every morning, me rise and blaze a dozen cup. In a me heavens, more ganja, still a upload. Look how me eye them bunch out like gold. So I and I, no want no cigarettes. Will give you stinking breath. Yeah, I no want no cigarettes. That will give you stinking breath. I'm not a broker smoke. A straight ganja me puff up. Just like my girl has some me spliff then puff up. In a me palm, me have a net one a push up. Meanwhile Juba have quarter pound pan the sewer board a cut up. You want to draw my spliff, you must say mad not no no go so. You can't roll your own spliff, then you fi sit down and hush up. When it come on to the weed, you can't call me joker smoke. Me call me serious like a bubble. I and I no want no cigarettes. That will give you stinking breath. Yeah, I no want no cigarettes. That will give you stinking breath. You never know. I and I no want no cigarettes. That will give you stinking breath. Yeah, I no want no cigarettes. Here ganja we smoke. I'm not a joker smoke. No time at all, me no live it. If it's even a split, me a free up when me a step it. Smoke my herbs there. Apologetic. I may not take no coke. Heroin I woulda never inject it. Anyway you see them thing the youth man me want you left it. Cause Rastafari I know say them they sit no they no make it. You can't say me never want you. Joker smoke. You better think and check it. I and I no want no cigarettes. That will give you stinking breath. Yeah, I no want no cigarettes. That will give you stinking breath. I and I no want no cigarettes. Joker smoke. That will give you stinking breath. Joker smoke. Yeah, I no want no cigarettes. Joker smoke. All the money have the one whistler, the one lighter. Nobody can say that you're not. Joker smoke. Joker. And someone that smoke weed and can't roll. Et c'était Mr. Williams avec nos cigarettes. Et sans plus attendre, on passe maintenant avec le live, le petit live, et que nous allons pouvoir entendre grâce à Jawor qui sont présents. Et je vous laisse profiter de ça pour une heure. Uncle Original Leodica. His, his, ça se passe sur 102.2. Yes, I Radio Campus. L'émission ça s'appelle Campus Hi-Fi. Une spéciale dédicace pour les massifs de Montpellier. Yes, I tous les massifs connectés. Original classical roots. Burning Spirit, listen to that. Do you remember the days of slavery? Do you remember the days of slavery? Wah! And the Beatles. Do you remember the days of slavery? And the work was so hard. Do you remember the days of slavery? And the roots back reggae and the USA. Yeah, the mighty sounds of the Jarex promotion at the control. For you and you. You Charlie pull it, we pull it. All the gifts, thanks and praise. We must pull it. With shekels around our necks. musical vibes. Give me hand, this is so close. Baby girl, do you remember the days of slavery? Do you remember? My brother feels safe. Yeah, my brother and sister are tuning the number one station. Yeah, the campus hi-fi. Some of us survive. And special dedication. Showing them that we are still alive. For the lioness. Do you remember? And the lion. Swag reggae. Try and remember, please remember. Do you? Yeah, my people. Classical tune. Là, on vient parler dans le Glen Washington. La chose s'appelle Jah Glory. How to listen that? Alors un grand big up à Mr. Glenn qui est à Montpellier il n'y a pas longtemps. You've got to do it in the Father's name. Sing hallelujah. The Father and the Son is the same. Hallelujah. You see Jah glory. You're the King of Kings. You've got to do it in the Father's name. Singing hallelujah. Father and the Son is the same. I'm a child of a king, but the way my people are living is not like they used to be before. No, no, no. The reggae music I sing give me the vibe that is always uplifting. Jah love and His mercy is tender and sure. I choose the love you and the love me. You see Jah glory. Yeah, the protect you and protect me. You got to do it in the Father's name. All the gifts and son praise. Sing hallelujah. Father and the Son is the same. When our work is all over, at the end of the day, we all should chill for a while and pray. Giving thanks and praise. Because you can't plant corn and then want to reap peace. According to your work, you will get paid. To see Jah glory, you got to do it in the Father's name. Hear the guiding stars. Sing hallelujah. Let me tell you, my sister and brother. To see Jah glory, you've got to do it in the Father's name. Sing hallelujah. Father and the Son is the same. Yes, I all the time. All the gifts and some praise to the Almighty. I imperial message of Yah. All the jarrets from a shen at the control to walk. As a roots, not the dreadlock. Society is after me. Or believing in justice and equality. Ooh-wee. But the hotter the battle is, the sweeter the victory. Reach out to His Majesty and be free. To see Jah glory, you've got to do it in the Father's name. Hallelujah. Father and the Son is the same. To see Jah glory, you've got to do it in the Father's name. Hallelujah. Father and the Son is the same. I'm am a child of a king, but the way my people are living is not like they used to be before. The reggae music I sing give me the vibe that is always uplifting. Jah love and his mercy is tender and sure. Allo Mr. Glenn, sur le label qu'on appelle Live Music. Classical tune. Allo my selector. Next track. La sista vient par le nom de Rosa Shanti. Allo my selector, run it. Alors on vous rappelle le 7 mai, ça se passe à la salle Victoire 2. Avec la sister Rosa Shanti. Spécial big up pour toutes les lionesses. Yes, I am. 102.2. Campus Hi-Fi au contrôle. International Reggae Music ADC. Yes, I am. Toi-même, tu sais, toi-même, tu connais. All of my selector, give me the Dubois et un man call original Léo Dika. Vous pourrez le retrouver aussi le 7 mai en victoire de Yes I. Ah, écoute ça. Mr. Leonica. And Mr. Matisse. Yeah, the Jarrett's promotion. Do it! I'm wicked at this song play. Wicked at this song say. Yeah, the Jarex Permission say out of control. Yes, I for the love, peace, and unity. Yeah, the Rastaman son is on a mission. Follow my sister and the brother. On the Lion Hootsie. He's on a mission, mission, mission. Yes, I am. Alors on vous l'a dit, ça se passe le samedi 17 août dans les arènes de Frontignan. L'homme vient par le nom de Katie Roots. Yes, I am. Brutical. Don't cry, don't cry, don't cry. Wipe your weeping eyes, don't cry. No, no, don't cry. Hear the Mikey Sim song. Wipe your weeping eyes, don't cry. No cry, me mama, no cry. No cry, papa, no cry. No cry, my sister, no cry. Yes, no I cry, am. No cry, my brother, no cry. Cause we never born come see luxury. Yeah, all Mr. Mikey. It's only poverty. Many nights we would go to bed. Not even a piece of dry bread. Cry. Education, we didn't get much. Poverty had the better of us, but don't cry. Don't cry, don't cry. Wipe your weeping eyes, don't cry. No, no, don't cry. Wipe your weeping eyes, don't cry. You're the sickly roots and the culture of the mighty Jarex in a area. No cry, my mama, no cry. Don't cry, papa, don't cry. No cry, my sister, no cry. No cry, my brother, no cry. Yeah, just a family vibe. I know that our day will come. Very soon the table will turn. Though we are poor, this we always learn. Willful ways will bring woeful ones. So we always try to become wise. The best way. Campus Hi-Fi, ça se passe sur la radio. Don't cry, don't cry. En live et en direct, 102.2. No, no, don't cry. Bon, félicité. No, no. Everything will be alright. Everything will be alright, don't cry. Wipe those tears from your eyes. Everything will be alright. Everything will be alright. Everything will be alright. Everything will be alright. Yes, on vous l'a dit, ça se passe sur Campus Hi-Fi 102.2. Yes, I am. Family vibes. On the part two. You hear my selector, Mr. Martis. Hear me say. Lord of his mercy, ça se passe au campus Hi-Fi. Don't cry, wipe your weeping. Le sang des routicales. Lord of his mercy, Lord. Amis, c'est campus Hi-Fi. Amis, c'est campus Hi-Fi. Amis, c'est campus Hi-Fi. Sans de points de pour tous les gens, well, tu sais. Lord, amis, c'est. En avec son qui vient jouer. Ah, well, non, man, parler, c'est oui de réalité. Pour tous les gens, well, non, man, je dis, c'est de l'assemblée. Dites-leur, ça se passe, non, man, je dis, c'est sur Montpellier. Missing, c'est. Missing, campus Hi-Fi. La radio qu'il vous faut, mais c'est des campus Hi-Fi. Écoute, il y a le niveau, mais c'est à campus Hi-Fi. Ça se passe en stéréo, mais c'est à campus Hi-Fi. Lord, on a du style, well, non, man, je dis, c'est pas de médaille. Watch me now. No, no, no, no, no. Adam, Mr. Leo, come on. International Reggae Music Odyssey. Ah, c'est sur campus Hi-Fi. Ça se passe sur campus Hi-Fi. Ah, mais c'est campus Hi-Fi. La radio qu'il vous faut, mais c'est des campus Hi-Fi. Je le dis en quelques mots, non, moi, non, pas en impro. Ce soir, on est en live, non, moi, c'est dans les studios. On a monté, well, no man, je dis, c'est oui le niveau. Que ça soit, c'est well, no man, en mono, en stéréo. Dites-leur, c'est campus Hi-Fi. Ça se passe au campus Hi-Fi. Amis, c'est campus Hi-Fi. Lord, amis, c'est campus Hi-Fi. Yes, I am. Just vibes, simple, simple style. With my original selector, Mr. Matisse, and my brother, Mr. Leodica. This! On sur le label qu'on appelle Volcano. And Mr. Barrington Levi. Look you man, Jaja is coming. Delight. Make sure you have clean hands and a pure heart. Peace. To enter Messiah. International Reggae Music, libère ton corps, libère ton esprit. Ça se passe sur Radio Campus. Who made heaven and earth? Who made the birds and the trees? Also the and they are fasting and fighting, not in the of the Creator. He gave some talent, he gave some skill. So look into yourself, and look me, and look me. Look inside. Thank you. Balkano style. How do you think? Tell me, what do you see? Allez, toi, Craig et Aziz, sur les platines du Jarex. With my selector, Matisse. At the next track, Yadaman Call Original, Sugar Marinette. Classical tune, sur le label qu'on appelle Liberty Reggae. I'm on a deal with the coke. I strictly sensey when I smoke. German, I'm on a deal with the dope. Dreadlocks in the run, them they joke. Youth man promotion. So if you're looking for cocaine, you can examine this here brain. You will be doing it in vain. You will be feeling so shame. But if you look under my cellar, say you will find some sense in me and ya. For me and me, into the solid cup the pipe. We lick the pipe and then we feel alright. I'm on a deal with the board. I strictly sense it when I smoke. I'm on a deal with that they talk. Like seem to run such joke. So if you see me on the street and I'm a pocket look buffy, I strictly sense it. I strictly sense it. Hey, myself be looking at me heart. We had a good long bread. I written by me heart. Cha-cha in the deal with the free. No chemical. In a Zion you can go. I strictly sense you when me smoke. Hey, I'm on a deal that they dope. Dreadlocks him no run them they joke. Dreadlocks him no run them they joke. Whoa, whoa, whoa, whoa. Whoa, whoa, whoa, whoa. Alright. Wap, wap, wap, bars. Pick me up, y'all say now. Look, I give my inspiration to sing my song with that. Using the devil's food, oh yeah. So don't come and be so rude, oh no. So Mr. Officer, you see, I strictly sense it. So when you see me on the street, I say you know I wear me mean. Our special dedication for my brother, Mr. Clem, and Mr. Romeo. Our special big up also for us, Studio One family. Sister Mag, Sister Skanka, all the massive and crew. And the Rutical style, yeah, the mighty son in the general, all the Mr. Original, Robert Dallas. La chose s'appelle Tradition Man. I'm a tradition man from a long, long time. Peace. Alan, pull it up and repeat it again. Yeah, the man called original, Robert Dallas. Yeah, the Mr. Tradition, Tradition Man. Yes, ça, spécial big up pour tous les connectés. Ça se passe sur Radio Campus. Yeah, man, Simple Minds. Roots Rock Reggae. I'm a traditional man from a long, long time. Baby girl. Seeking survival all over the world. Yes, I am. Work it up. Observe keenly and become wise. Yeah. Knowledge increase more and more every day. If a man does a thing that's wrong, change your ways and do the right thing. International Reggae Musicalité. Seeking survival all over the world. You're large, Baglo. I'm a traditional man from a long, long time. I'm Mr. Jeff and Sister Mag. Seeking survival all over the world. Du. Yeah! Jando. Rien ça est dans la tradition, man. On lâche pas l'affaire. Tradition man. Yeah, the long time, so the Jarrett's promotion. At control. Vibes. Tradition man. Yes, Chuman. Deep Roots, Chu. I'm Mr. Steph. Out of my selector, give it a part two. Vertical Vibes with Manical Original Leodica. Like Rootsy and Mr. Mathis. Vertical style. And listen, Dad. I'm a traditional man from a long, long time. Long, long, long time. All the Jarrett's promotion is on a mission. Survival all over the world. Yeah. Yes, on live et en direct. I'm Mr. Dub, Mr. Dub, I'm Mr. Rootsman song. Mr. Jarrett, Sadi, Sonda, Mr. Riyadi, come. I'm at the combination, feed the other nation. I'm Mr. Ratatatata, Mr. De Rapapapam. I'm Mr. Rootsman style. I'm 60, I'm Mr. Rootsman style. Rootsman style. Yeah, the man called Leo Dick and Mr. Matisse at the control, say, I'll be listening. Foundation, for the All Sound System, Wonder Hi-Fi. And the Jarex. Easy, yeah, the mighty sound in any sense of the direct from a China music sound. We are the common music, come, you know, the words from the come, you know, the years. I play the sickly consciousness. I say the consciousness, styly. Me say dub on me, say dub on me, say roots, man, song. Me say dub on me, say dub on me, say robot dub song. Yeah, the mighty direct. Ask the control for you and you. She want. Yeah, the mighty sound, rough and tough. Ease up. Long bien parlant de Vivian Jones. La chose s'appelle Rock This. Ya wrong. Yes, I am. En live et en direct, Campus Hi-Fi, 102.2. Yeah, the mighty sound. Rock this, ya one, ya. Yes, I, ce soir dans les studios, c'est Sound System style. Rock this, ya one, ya. Yes, I. Oh, yo, yo. Wow. We are going to rock this, ya one, ya. Oh, yo, yo. Yeah, one love, one love. We are going to rock this, ya one, ya. Oh, yo, yo. Compass Hi-Fi. Religious superstition. With the illusion of inclusion. Oh, yo, yo. I'm righteous, not racist. Well, it's not a human reality. It's a political strategy to rise one up and keep the other down. Oh, yo, yo. But make we rock this, ya one, ya. Oh, yo, yo. Oh, yo, yo. Rock this, ya one, ya. Oh, yo, yo. And a special dedication for the Mr. Matthias. I Liberty. Oh, yo, yo. All the massive and crew. But make we rock. On the station, you're the Campus Hi-Fi. Respect for the vibe. You know, love, truth, and right. Please, I'm asking. Leave the area. Left from both, yeah. Say, if you love, truth, and right. I'm asking you, please. Leave the area. As you know, we'll go. Now I'm gonna rise one up and keep the other down. Out of fire. Oh no no, oh no no. So make me rock this ya one, ya. Oh yo. Yeah, the rap on top, so the mic set down. We rock this ya one, ya. All the special dedication, oh, yo, for the man called original Mr. Siwap. So make me rock this ya one, ya. All the Mr. Jew. Yes, for our family, sister. Original was Ashanti and Mr. Iwek. I and I will always be rocking. We got to keep on moving. And I and I will always be dancing. Today, my roots rock, ready. Rock this one. Yes, I could be swaying à la maison. Dans les studios. Laisse ton corps agir. Yes, I, la musique. Yes, I am. Out of my selector, what a good one. You're the part two, the boy. Check the vibes. Saya, I respect my brother. Vibes. All of my selector. All of Mr. Teddy Dan. All the steps die. Father, always someone's son. Yes, I am. Where you should say no to wars. War is never the answer. Yes, I am. Rasta is on a mission. How to sip a song. Yes, my selector. Là, on vient par le nom de Matisse. Contrôle pour vous. Alors, on vient sur la version. Yes, ça y est. Assez rastalant, reviens le monde dit au contrôle du son. Quand le monde il joue, c'est pour la population. À base, le monde dit de bonnes vibrations. Quand le monde il joue des fondations. Dites la belle normale de dire c'est qu'il monte au fond. Et face à l'oppresseur en toute situation. C'est Jarex normal de dire c'est oui monte au fond. Dites-leur normal et donne les bonnes vibrations. C'est Rasta man normal et oui écoute ça. Reviens c'est bon normal de dire c'est une fois deux fois. Trois fois normal de dire c'est un soldat. Je le dis c'est bon normal de dire pour le roi des rois. Lion conquérant de la tribu de Judas. Dites-leur Well Norman de 10 c'est une fois, deux fois. Tous les jours c'est Well Norman de 10 c'est le point levé. Rastaman revient Norman c'est pour remercier. Il revient Well Norman de les jeux de les mois de l'année. Dites-leur c'est Well Norman de 10 c'est pour remercier. Car c'est longue la route Norman et puis d'obstacles parsemés. Mais Rastaman Well revient Norman de les jours de l'année. Pour remercier Well Norman de 10 c'est toi-même tu sais. Oh mes merci et merci. Rastaman revient pour c'est la population. Rastaman revient Norman écoute bien mon son. Rastaman revient pour la population. Et je sais Well Norman je dis que des fondations. C'est original, c'est sur l'instrumental. Dites là c'est Well Norman je dis que l'international. Il n'est pas missing. C'est face à l'oppression Norman c'est il vient s'installe. Et dites là Well Norman je dis c'est Jarexan, mais c'est de Jarexan. Ah Jarexan, c'est mis, c'est de Jarexan. Jarexan, c'est mis, c'est de Jarexan. Son, son, son, son, son, son, son, son. Salut Mr. Léo. Rastaman revient Norman écoute bien mon son. C'est Matisse Well Norman je dis à la sélection. Léodica ou Mélodica. Je le dis c'est Well Norman c'est une fois deux fois. Ça se passe sur Radio Campus Norman c'est Well écoute ça. Ah elle te le dit Norman à l'appel de Jack. On revient Norman je dis c'est une fois deux fois. Je le dis c'est Well Norman tous les jours et tous les mois. Mais c'est des Rastaman c'est mais c'est Rastaman chante. Rastaman se met sur Rastaman chante. Rastaman se met sur le Rastaman chante. Rastaman se met sur le chant chant chant. Car il y a les montagnes, il y a les vallons. Et Rastaman Norman je dis a bâti sa maison. Tout près de la rivière il a fait sa plantation. Puis les légumes font partie de la création. Et Dieu les a donnés avec sa bénédiction. Rastaman le sait bien, il en a les révélations. Ah mais c'est Rastaman chante. East Super Cup of different style. Johnny Clark. Tribal war, no worry with it. Honor to buy you too. Tribal war, no bother with it. Tribal war, no worry with it. Veteran style. Yes, I, pour tous les gens à l'écoute. Yes, I, tous les reggae addicts. All my selector. Researched in these ages by the Rastafari brethren. What a blessing of the most. Super cap. All evil conception may come terminate. Fighting spiritual wickedness in a high and low place. Man a warrior. Yeah, Mr. Ruben! Ignorance, you better protect the old wicked man, sorry for. I am bingi warrior. On Mr. Levi! Hear me no higher, I no burn no senseless fire. Rebel with the cause, no weary and tire. Fit you up, if it you back against the vampire. Prematurely them war, your time expire. Man a warrior. Yes! Naya bingi warrior. She wawa wawa yeah. Bambule bambule. Patient mama too. And yes. Sisters try that massage. Here the sisters can't talk. I will abide. I and I a shaka Zulu. And the pure nice name. Mama too. And sisters try that massage. Yes. Tabernacle I will abide. Worry and not pay yourself he give up. Selassie, I example, man fi live up. Black mother hurt him, press men in fi get dig up. With funde and kete sacred songs, the warrior a sing up. Coconut chalice, I a sip up. Heavens purify and our heights, I a lift up. True warrior, them not the Congo, them not trim up. Rainbow circle, throne is royal majesty, a sit up. I and I a Shaka Zulu. dreadlocks, mama too. Ancestors trod at my side. Jah tabernacle I will abide. I and I a Shaka Zulu. Dreadlocks, mama too. Ancestors trod at my side. Jah tabernacle I will abide. Over evil, lion, I as a lassie, people spreading. Jah message, calm music, it away people. Stepping warrior, trample, dragon, car we need to blood. Sucking vampire, of your soul, them war relieve you. Defender of the faith, emperor, Selassie, I will need us. With skillful guidance, he protects and leads us. Says efficiency, philosophy of Marcus. Warriors, them just not give up, no way. I and I a shotgun Zulu. Dreadlocks, mama too. Ancestors trod at my side. Jah tabernacle I will abide. All evil conception we come terminate. Fighting spiritual wickedness in a iron rope. Man a warrior. Patient, now a biggie warrior. Yeah, warrior style. Bumble, bum, bum, dim. Adamant sound system. A bumble bum bum dim. A direct sound system. Elval de culturel. Elval de décibel. Elval de culturel. Elval de décibel. Quite missy. Fighting spiritual wickedness in a iron. And a warrior style. Harvest mercy. Elval de culturel. Elle valent des décibels. Elle valent des culturels. Ça se passe sur Campus Hi-Fi, nos man on déballe. Dites-leur, c'est pas le nom de dit, c'est notre arsenal. Ce soir, c'est Wall, je dis nos man de dit sur l'instrumental. Original, nos man de dit, je viens, je m'installe. Elle valent des culturels. Elle valent des décibels. Elle valent des culturels. Sur Campus Hi-Fi, nos manias trop de rebelles. J'te dis c'est well no man, ce soir on pousse à le décibel. Ils valent des culturels. On pousse les décibels. L'âme, c'est dans l'asile de Babylone. Tout le monde doit rester docile. Toujours la même histoire, éviter les projectiles. Pour un jeune dans la ville, tout n'est pas si facile. Les reptiles se faufilent, testent les plus fragiles. Les plus agiles, on veut se croire subtil. C'est sur le fil, le funambule. Ah mais c'est élevage de culturel. Élevage des décibels. L'âme. Élevage des décibels. Sur Campus Hi-Fi, no man. Ah mais c'est original. Watch me see. Pour une médaille, heurte les consciences en prenant garde aux représailles. Trop de fire, on frappe à partie du bétail. On bataille, ah pour rester sur les rails. Élevage des culturels, élevage des décibels. Élevage des culturels. Si tu n'as better protect the whole wicked man. Sorry for aya naya naya bingi warrior. Warrior style. Out of my selector. Give me the next track for the all the massive in the place. International, so the Jared's permission. Chen, chen, chen. Yeah, the Mr. Schluggy runs Ethiopia. Peace, ya beba. All the difference day. Ethiopia. All I'm pull it up and repeat it again. So that my sound system is wicked. Schluggy runs. Ethiopia. Ethiopians, the true Israelites. Jano. Ethiopia. Ethiopians, the true Israelites. Jano. Took us away from Zion and brought us to a foreign land. You're the promised land. Shackles and chains like animals. Israelites keep the faith in our Babylon. Ethiopia. Ethiopians, the true Israelites. Ethiopia, Ethiopians, the true Israelites. Ethiopia, land of creation, where true kings and queens from. Take it. Remember the promised land. Yes, I am. Where so Marcos come from. Ethiopia. Une fois, deux fois, trois fois. Yes, I am. Dangerous. Schluggy Rocks. Listen that. Shilili, shilili. Yes, I am. Again. Oh, come on. Ethiopia, Ethiopians, the true Israelites. Achoo! Jano. Ethiopia, Ethiopians, the true Israelites. Took us away from Zion and brought us to a foreign land. Shackles and chains like animals. Israelites keep the faith in our Babylon. Ethiopia, Ethiopians, the true Israelites. To the promised land. Ethiopia, Ethiopians, the true Israelites. Yes, I, Jarek Simpson. Ethiopia, land of creation. True kings and queens from. Take it. Remember the promised land. Africa. I guess so Marcos come from. Africa. Where King Selassie I from. Queen of Sheba and Solomon. Alors on vous l'a dit, ça se passe le 7 mai à Victoire 2. Abraham. All of us are from the motherland. Avec les Welders. Ethiopia, Ethiopians, the true Israelites. Jano. Samarinuka. Ethiopians, the true Israelites. Leodica. Jano. Chihu. Shanti Rosa. Chihu. Yeah, the Mr. Matisse. Irek. Et bien sûr, vous tous. A true Israelite is not prejudice, no way. A true Israelite don't fight but unite. Why? A true Israelite don't deal with war, no way. Eden with your Babylon doctrines, please say. Yes, I special dedication for the my brother, Mr. Adrian. Ethiopia, Ethiopians, the true. Ethiopia, Ethiopians, the true Israelites. Jano. All the wicked tune. Yeah, the Mr. Schluggy. Ah, si t'as pas ça dans ton bac, voilà que tu grattes. Pick up the Lebo tribes, fishermen from Africa. Jaja bless the Zulu tribes. Honor bless you, honor bless me, fight Italian. For their village and rights. Ethiopia. Africa so sweet. Sweet. Mama Africa's reggae music, Odyssey. Ethiopians, the true Israelites. Yes, I am. Tout ça, ça se passe sur Campus Hi-Fi. Ethiopia, Ethiopia. Yes, I am. La radio thérapeutique. Ok, on continue. Mr. Malakai. Yes. Prince Malakai. Yes, parce que reggae music, c'est comme un médicament. Yes, ça s'écoute à chaque instant, man, à chaque moment. Love come true. Original Papa Boom. In this time, every man should know their nature. Job Master. For in time, every man shall meet his maker. To understand life's ebbs and flows. See yes, that tree from a seed it grows. Miracles. Yes, on va revenir sur la sélection. L'homme, avant il s'appelait Fédéral, c'est un des gars que j'ai vu, un des premiers gars déchirer les danses à Paris dans les années 90. Voilà. C'est un spécial big up pour l'original Criminal Sound System. Yes, I am. Mr. Mazé, respect. Yes, I am Mr. Fédéral, aka Malakai. Et j'en place une petite pour l'original Mr. Altomi. Kaliwa Sound. Respect for the vibe. In this time, every man should know their nature. For in time, every man shall meet his maker. To understand life's ebbs and flows. See that tree from a seed it grows. Miracles of creation shows, but some people they don't know. In this life there are so many things to blind you. But remember that the Most High God designed you, yeah. The universe so vast and wide. On planet Earth we each arrive. So segregation we should put aside. Just a good vibe. Reggae music, you know. No boom boom style. Things change, nothing stays the same. And that's the way we grow. Our evolution is the pattern of change. And this evolution, evolution. I do the wrong when you know the right. Jack Box style. Respect for the vibe. Careful Mother Earth. All the masses. The earth green aside. On the station. Give a thought for the future of mankind. Oh, yeah. So let's start anew. Let your love come true. All the respect. Yes, I am. Where am I, youth? Hola, Mr. Leónica. Thank you. Mighty Jarex, out of control. Play all the time for the Almighty Jah Rastafari. Let that land. All we got to do baby. Yes, Lioness, so this strictly vibe. Have mercy on Jah, cause I'm a righteous man. Jarex. I might know the ways of those weak hearts shall perish and vanish away. Tomorrow is another day, we should bend down and pray. Yeah, yeah, the light of the world is Jah, Rastafari. Yes, who sit up in the Yes, I special Rafting Peace, Yedeman Caldibron and Mr. Frankie P. Respect sur le label qu'on appelle Jaffinger. Yes, avec Mathis, toujours au contrôle. My selector in all the dangerous. All wicked. Sound, sound, sound, take a look at them, take a look at them, take a look at them. Our king's the champion, our missus sound, we are the come. I say, take a look at them, take a look at them, take a look at them. I say, the king's the champion, son, we are the come. The coming of session, pity on the nation. A lion roots him a said upon the mic, upon the microphone for the other nation. A Montpellier City, a miss a Montpellier town. Sound, sound, sound, take a dig-a-dum, take a dig-a-dum, take a dig-a-dum. A miss a sound, a come, a miss a in a station. Compi sci-fi, miss a the champion. A compi sci-fi, a miss a rapper, pom pom. A miss a champion, say, say, I'm a my selector. I say the champion say, say, in our area. I say they play the sickly, sickly tune. You're the dangerous, you know. Mighty, mighty sound, I may say, in the room. Yeah, me see. I say the, I miss a sound, I miss a sound, we are the common. I miss a champion, I miss a sound, we are the sound. A direct promotion, I miss a coming of the common. The coming of the sound, I miss a the champion. Original, I say, miss a the with all the microphone. Original, I sound, I miss a revient, c'est son. The sound of the fan, no man, je dis, c'est de Babylon. De tous ces gens, no man, je dis, c'est qui les résonne. I say, c'est tigri-gidom, tigri-gidom, tigri-gidom. I miss a Mathis, well no man a la selection. I miss a tigri-gidom, tigri-gidom, tigri-gidom. I miss a sound, I say, miss a de, I miss a dum. Yeah, the mighty say rough and tough. Yes, I special big up pour tous les survivants. Putting a Rasta man behind bars for a stick of marijuana. putting a rasta man behind bars for a stick of marijuana. Yeah, a marijuana. I heard charges all over. Oh, you judges. Yes, on arrive dans la dernière ligne droite. I know it's unfair. So pour ce soir. Charges. A lot of detention. Yeah, it's a prosecution. Yes. A public prosecution. Road vibration. A natural plan for the curing of illness. But to backbiters and informers, it's a prosecution. A public prosecution. No matter what they say or do, we not give up. Just not give up. Yes, I, alors on vous rappelle le 7 mai, ça se passe à Victoire 2, à Saint-Jean-de-Védas. Il y aura Earl 16. Yeah, the gift, thanks. All the time. For the vibes. Yeah, the protection. like the harvest in the rain. And happiness when it turns to pain. Beware of judge's judgment. Yes, I am. On te le rappelle, ça se passe le 7 mai avec les Welders, Earl 16, Mr. William, Samara Nuka, Rosa Chanti, Léo Dika, toute la famille. Yes, I am. So, alors, Alam Kulitop, my selecta. L'homme vient par le nom de Mr. Jared. Yes, I, ça vient de sortir à se fournir dans toutes les bonnes pharmacies. Yes, I, sur le label Zedek. Yes, I am. Our special big up for my brother, Mr. Jared. Yes, on arrive sur la fin. Voilà, on a déjà fait une bonne rallonge, non? Ouais, bonne rallonge. Voilà. Donc voilà, vous avez eu du rab et tout à manger une fois, deux fois, trois fois. Ça sera la last one pour ce soir. Merci Campus Hi-Fi pour les vibes, pour l'invitation. Yes, I am. On remercie tous les gens connectés qui sont restés jusqu'à la fin. Yes, I respect so the my brother original Mr. Leo Dika and the my youth original at the control Mr. Matisse. Respect for the love. Yes, my people were whipped and chained many times. They never do nothing wrong, never commit no crime. In the sun, they were put out in the rain. They never had no voice, they couldn't even complain. 400 years, barely worthy. Yes, la famille Isso, on vous souhaite une bonne fin de soirée. On vous donne rendez-vous le 7 mai à Victoire 2. Et ça, restez connectés sur la radio Campus 102.2. Respect for the vibes. Yes, I big up Jaworks Promotion. Allez, on les retrouve le 7 mai à Victoire 2. Et nous, on se retrouve le 4e lundi du mois de mai pour un nouvel épisode de Campus Hi-Fi. Encore merci à Jaworks, à toute l'équipe, à Yanis qui a assuré à la technique. Big up, passez une bonne soirée et à dans un mois.